Yeah. t'étais rien, que t'étais mort de chagrin, que t'étais seul comme un vieux chien, que t'étais fait la gueule dans ton coin. Tu n'as pas vu que t'étais mal, que ta peau pire que pâle, mais plus fin. Que t'es que dalle, tu flottais dans le canal. J'ai même pas vu que j'étais différent. J'étais comme une fleur qui fane. J'ai rêvé dans les endroits que tu serrais trop fort. J'ai pas vu ta maîtresse. Je sentais même plus tes caresses. Toi dans la baignoire, je t'ai touché dès la baignoire.

mieux. Petite démonstration de Mr. Panic. Petite démonstration. Alors, voici le nouveau modèle Fender. Thank you. donner des caractères que je comprends pas. C'est quoi tous ces caractères là? D A D R D A D C D A D A D C.